besoin fait jalousie. Pour tout en moi, on réfléchit. Chérie, t'as faux crié d'amour. Chérie, t'as mis en néon d'amour. On est toute vie, moi, c'est fou. Ou pas besoin, j'aime bien chagrin. Son seul bagage pour vous connaître. Que moi, que moi remets.